La plupart des mots se terminant par « iste », « i-s-t-e », finissent par « ista », « i-s-t-a » en espagnol. Ces mots sont à la fois masculins et féminins. Vous devrez dire alors « un turista » et non « un turisto ». On a donc « un turista » ou « una turista ». Donc, si un dentiste se dit « un dentista », quel serait l'équivalente espagnol de « un artiste » ? Bravo, c'est bien « un artiste ». Pour « une artiste », il faudra juste utiliser le mot « una ». Una artista. Maintenant, comment diriez-vous sans traduire le mot « de » après « mieux » ? C'est mieux d'être optimiste que pessimiste. Es mejor ser optimista que pessimista. Es mejor ser optimista que pessimista. Que l'on parle d'un homme ou d'une femme, ces mots finissent toujours par un « a ». D'ailleurs, en disant cette phrase « es mejor ser optimista que pessimista », vous risquez d'impressionner vos amis hispanophones. Vous voyez, il est inutile d'être fataliste. On peut tous apprendre une langue, ¿verdad? Beaucoup de mots se terminant par ide, ide, finissent par ido, ido en espagnol s'ils sont masculins, ou ida, idea s'ils sont féminins. Ils portent un accent écrit sur la syllabe précédente ido, car ils ne respectent pas la règle du son. Entraînons-nous avec ce mot. Si solide se dit solido, avec un accent sur le premier O, comment diriez-vous valide? C'est effectivement valido. V à accent aigu, L-I-D-O. Si ce mot avait respecté la règle du son, on aurait dit valido. Donc, comment diriez-vous? Je pense que votre décision est valide. Attention, le mot décision est aussi féminin en espagnol. Vous devez donc faire un petit accord. Pienso que su decisión es válida. Pienso que su decisión es válida. Valide n'a pas la même forme pour le féminin et le masculin en espagnol. Il fallait donc l'accorder avec decisión qui est féminin et dire válida. Comment diriez-vous maintenant timide au masculin? C'est effectivement timido. T, I accent aigu, M, I, D, O. Essayons d'employer ce mot dans un exemple. Comment diriez-vous? Mon frère est très timide. Mi hermano es muy tímido. Mi hermano es muy tímido. On dit bien muy pour très et mucho pour beaucoup. Et si femme se dit mujer, M, U, G, E-R, comment direz-vous « ma femme est très timide » ? Mi mujer es muy tímida. Vous avez bien pensé à accorder « timida »?« Mi mujer es muy tímida ». Et comment direz-vous « rapide » au masculin ? Parfait, c'est bien « rápido ». R à accent aigu, P-I-D-O. En utilisant « estos coches » et en gardant à l'esprit le fait que « coche » est masculin en espagnol, comment direz-vous? Ces voitures sont très rapides. Bravo! Estos coches son muy rápidos. Dis-le encore une fois. Ces voitures sont très rapides. Estos coches son muy rápidos. Estos coches son muy rápidos. Coche est masculin en espagnol. Pensez donc à dire « el coche » et à accorder ensuite les autres éléments de la phrase en conséquence. Vous vous tromperez certainement souvent au départ, mais de toute façon, votre interlocuteur vous comprendra et, petit à petit, ces accords deviendront « automáticos ». Voici maintenant un exemple un peu moins terre-à-terre. Comment diriez-vous ? Son interprétation est très lucide. Su interpretación es muy lúcida. Su interpretación es muy lúcida. Il fallait dire lúcida, avec un A vu que, interpretación, es femenino.